Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 6 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Colettes, ça vient du grec, signifiant victoire du peuple. Volontaires, efficaces, entreprenantes, actives et courageuses, elles ont une puissante personnalité et tendent à diriger et à commander. Elles aiment briller, impressionner et attirer le regard sur elles. Elles sont originales et leur allure est altière. Les Colettes méprisent la médiocrité et ne sont pas faites pour les rôles subalternes. Aussi ne supportent-elles pas l'échec qui les rend aigries, envieuses ou amères. Heureusement, elles savent parfaitement saisir les opportunités qui s'offrent à elles et sont rapides d'exécution. Sensibles au standing, elles apprécient les bijoux, les fourrures. Par ailleurs, impatientes et pressées, elles ont tendance à être irritables et manquent de tolérance. Dicton du jour à la Sainte Colette, le sureau s'effeuillette. À la Sainte Colette, on voit à vue d'œil au sureau pousser la feuille. Ou encore au jour de Sainte Colette, commence à chanter l'alouette, puisque c'est la date marquant le retour des oiseaux migrateurs. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui au Ghana, c'est le jour de l'indépendance qui célèbre l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Et dans les événements qui se sont déroulés un 6 mars en 1957, indépendance du Ghana. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe The Supremes et leur titre « You Cannot Hurry Love ». Sur RGM. Il est presque 8h35, on parle anniversaire. Ils sont nés un 6 mars 1944. Naissance de Mary Wilson, chanteuse américaine des Supremes. 1946, naissance de David Gilmour, guitariste, chanteur britannique des Pink Floyd, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. Voilà pour l'extrait des Pink Floyd. Allez, on continue. On reste en 1946 avec la naissance de Martin Cove, acteur américain connu pour son rôle du fanatique sensei John Kreese dans la trilogie Karate Kid. 1947, naissance de Kiki Dee, chanteuse britannique connue notamment pour son duo avec Elton John qu'on écoutera tout à l'heure. Également la naissance de Rob Reiner, acteur, producteur, réalisateur, scénariste américain, réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, du film Les fantômes du passé, La rumeur court, Ainsi va la vie, acteur dans Le loup de Wall Street, dans la série télé New Girl, producteur de Quand Harry rencontre Sally et Les fantômes du passé. 1948, naissance d'Anna Maria Horsford, actrice américaine vue dans Minority Report dans le rôle de Casey, la série télé Haine et Passion dans le rôle de Clara Jones, Amour, gloire et beauté dans le rôle de Vivian Avent, 7 à la maison, Entourage ou encore Grey's Anatomy. C'est également l'année de naissance de Guy Montagnier, humoriste et comédien français, chroniqueur radio et télé, vu dans le film Prof dans le rôle de René Nogret, le professeur de mathématiques, Le retour des Charlots, ou encore à la télé dans Commissaire Moulin ou encore Alice Nevers, Le juge est une femme. 1967, naissance de Connie Britton, actrice américaine, connue pour son rôle de Nikki Catherine Farber dans la série télé Spin City, vue également dans la saison 5 de 24 heures chrono dans le rôle de Diane Huxley, ou encore dans la série Nashville dans le rôle de Ryana James. 1968, naissance de Moira Kelly, actrice américaine, vue dans la série télé À la Maison Blanche dans le rôle de Mandy Hampton, surtout connue pour son rôle de Karen Rowe dans la série Les Frères Scott, et vue également dans Numbers, Heroes ou encore Drop Dead Diva. 1969, naissance d'Andrea Elson, actrice américaine connue pour avoir joué le rôle de Lynn Tanner dans la série Alf. 1970, naissance de Shane Broly, acteur britannique connu pour avoir interprété le rôle de Craven dans la série des films fantastiques Underworld. C'est également l'année de naissance de Jean-Luc Lemoyne, humoriste, chroniqueur et présentateur télé français. 1973, naissance de Juliette Arnault, actrice scénariste française vue dans Les 11 commandements. Ensemble, c'est tout de l'autre côté du lit, Arrête de pleurer Pénélope dans le rôle de Chloé, à la télé dans Drôle de famille ou encore Léo Mattei, Brigade des mineurs et scénariste du film La Buzz. 1978, naissance de Lara Cox, actrice australienne connue pour avoir tenu le rôle d'Anita Shepherds dans la série télé Art, les cœurs à vif. 1984, naissance de Leïla Bekti, actrice française vue dans Chétane dans le rôle de Yasmine, L'instinct de mort, Un prophète, Tout ce qui brille dans le rôle de Lila, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, Itinéraire bis, New York et plus récemment dans Le Grand Bain dans le rôle d'Amanda. 1985, naissance de Pierre-Édouard Belmar, joueur de hockey sur glace français, ayant joué à Rouen, à Leksands et à Skellefteå en Suède. De 2014 à 2017, il a joué en NHL pour les Flyers de Philadelphie et depuis 2017, il joue pour les Golden Knights de Vegas. 1988, naissance d'Agnès Carlsson, chanteuse suédoise. Et on termine en 1989 avec la naissance d'Agnieszka Radwanska, ancienne joueuse de tennis polonaise, ayant fait carrière de 2005 à 2018, qui a été numéro 2 mondial en 2012, qui a été une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Roland-Garros et huitième de finaliste à l'US Open. En double, elle a été 16e mondiale en 2011, demi-finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open, quart de finaliste à Roland-Garros, huitième de finaliste à Wimbledon et elle avait remporté une Hopman Cup en 2015. Allez, petite pause, Kiki Dee, Elton John sur le titre Don't Go Breaking My Heart. No. Kiddy et Elton John sur RGM. Presque 8h45, on fait un point sur les sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Captain Marvel, un film d'action d'Anna Boden et Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson ou encore Jude Law. Autre film, Damien veut changer le monde, comédie de Xavier de Schudens avec Frank Gastambit, Melissa Susan ou encore Grange. Autre film, Exfiltré, drame thriller d'Emmanuel Hamon avec Swan Arlo, Finnegan Oldfield et Jiska Calvanda. Autre film, Le Mystère Henri Pic, comédie de Rémy Besançon avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin ou encore Alice Izaz. Autre film, Stan et Oli, biopic, drame de John S. Baird avec Steve Coogan, John C. Reilly ou encore Shirley Anderson. Autre film, Nos vies formidables, drame de Fabienne Godet avec Julie Moulin, Zoé Erran et Bruno Locher. Et enfin, dernier film, Funan, un film d'animation avec les voix de Bérénice Bejo, Louis Garrel ou encore Colette Kiefer. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Agnès et son titre Release Me. Perfectly clear. Agnès, c'est le titre Release Me sur le 107FM. Presque 8h50, on fait un point météo. La météo. Alors ce matin, on a droit à quelques éclaircies, mais avec principalement des nuages hein, tout de même. Et la pluie devrait faire son retour en fin de journée. Des températures comprises entre 2 et 4 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Jeudi sera une journée mitigée. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour demain après-midi. Vendredi sera une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin et entre 8 et 10 degrés prévues pour vendredi après-midi. Midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et la Ligue 1 et la défaite de Bordeaux 2 buts à 1 face à Montpellier. En Ligue des Champions, 8e de finale retour et la qualification de Tottenham en s'imposant 1 but à 0 hier à Dortmund et l'élimination et l'humiliation à domicile subie par le Real Madrid qui s'est incliné 4 buts à 1 face à l'Ajax d'Amsterdam hier soir. Le Real est donc d'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. Zinedine Zidane, reviens s'il te plaît. Allez, ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester United. Je vous rappelle qu'à l'aller, le PSG s'était imposé 2 buts à 0. Et il y aura également Porto opposé à l'AS Rome. Avantage à l'AS Rome qui s'était imposé 2 buts à 1 à l'aller. Résultat de basket de NBA cette nuit. L'équipe des Chicago Bulls de Luau Cabarro, qui n'a inscrit aucun point, s'est inclinée face à l'équipe d'Indiana, 105 à 96. L'équipe d'Orlando Evan Fournier en forme, 25 points inscrits. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour empêcher la défaite d'Orlando face à Philadelphie, 114 à 106. L'équipe de Memphis de Joakim Noah à 9 points et 10 rebonds s'est imposée 120 à 111 face à Portland. Et enfin, l'équipe de Boston de Yabusele à 7 points s'est imposée face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, tout de même à 23 points. Boston s'est imposée donc 128 à 95. Un mot de hockey sur glace avec la poule de maintien et Mulhouse qui s'est imposée hier soir face à Lyon et qui a ainsi obtenu son maintien. En Ligue Magnus, il y a donc dans cette poule de maintien deux clubs déjà assurés de leur maintien pour la saison prochaine, c'est Lyon et depuis hier soir Mulhouse. Allez, on fait un point sur le biathlon puisque les championnats du monde débutent demain. Et oui, ça y est, enfin fini la pause. On va retrouver nos biathlètes français avec donc pour jeudi eh bien, le relais mixte. Et on a appris hier que Martin Fourcade figurerait bien dans ce relais aux côtés de Simon Détieux, Anaïs Chevalier et Julia Simon. Martin Fourcade qui n'a pas couru depuis fin janvier. Et on a également la liste pour les sprints qui vont suivre, hein, donc vendredi et samedi. Alors, composition de l'équipe de France pour les sprints, messieurs, ont été sélectionnés Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona et Emilien Jacquelin. Et pour les sprints dames, Anaïs Chevalier, Julia Simon, Célia Émonier et Justine Brezaz, première remplaçante puisque Anaïs Bescon a dû rester en France puisqu'elle est malade. Elle a donc retardé son départ hein, pour Östersund et ça a été confirmé hier. Qu'elle ne participerait donc pas au sprint et bien sûr donc pas à la poursuite. C'est Justine Brezaz qui va donc la remplacer. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec une nouveauté. On peut faire plus nouveau, mais ça date d'hier. M Pokora qui fait enfin son grand retour après plus d'un an d'absence. Il a fait un break, hein. Il avait déclaré hein, qu'il en avait bien besoin. Et bien voilà, ça y est, il est de retour. Son tout nouveau titre s'intitule Les Planètes. Il est sorti depuis hier matin 10h, hein, donc ça fait même pas 24h qu'il est sorti et il est déjà en tête des classements de téléchargement légal. Son clip a été vu plusieurs fois hein, depuis qu'il l'a posté sur les réseaux sociaux. Et donc, on va écouter ce que donne le nouveau titre d'M Pokora, Les Planètes. Du mal.